De l'univers après A, mais jamais devancer. Devancer. À la basse, Almogavor. Le petit Philippe à la guitare. T'as beau la guitare aussi? Est-ce qu'on t'entend, Titi? Est-ce qu'on t'entend, Philippa? Phil? Là, tout de suite, j'entends bien à tabou. La basse, c'était nickel, hein? Basse. On t'entend bien. Alors, sur les mêmes paroles, nous le restons. Un petit bébé soir, un joli bébé qui t'aide. Bienvenue. Non, je veux. On va essayer autre chose. Un peu à gauche, à droite. Faites-vous plaisir. Ça y est, ça vient. se magénait les yeux bafoués. Il en manque une vadrouille et nous sans doute par la foule. Je m'achète, je me débrouille dans les bruxelles, je fouille même dans la couille. Bien Titi, bon ça. Sous les gargots fripouilles, je m'agenouille, je bafouille. Il en manque une vadrouille et nous sans doute par la foudre. Je la cherche, je me débrouille dans les broussailles, je fouille même dans la couille aux couilles. Une patrouille de six grenouilles. Je fais la bouille, je suis bredouille, tandis que les oiseaux gazouillent. Ils bouffent et vite m'embrouillent. Cependant, une idée me chatouille. Notre cher curé, roi de la bidouille, en artiste rap et sa tambouille. Laura Berger sur un billet rouillé, elle pendouille la hornée d'ampoule. Éclairons la foule des vols qui cafouillent, peinant le pied de cette quenouille. Invoquons leur dieu, non sans trouille. Et prenons l'hostie que l'on mâchouille. Allez. Oula, ça y est, c'est parti là. Ah là, c'est bien. Genouille et je bafouille, il en manque une, elle vadrouille, et mue sans doute par la foudre. Je la cherche, je me débrouille, dans les broussailles je fouille, même quand la couille ou grouille, une patrouille de six grenouilles. Je suis bredouille, tandis que les oiseaux gazouillent. Ils poussent et vite m'embrouillent. Cependant une idée me chatouille. Thank you. encore moins. Tout le monde clip, tout le monde clip. Allez, ça peut faire une chanson ça. C'est une chanson sur ma région, texte. De magnifiques panoramas d'Auvergne, un petit bourg de moyenne montagne, une église au clocher carré et austère. Au-dessus d'une meule, être éclaboussé en permanence par l'eau qui irrigue, rester immobile 12 heures par jour avec pour seul chauffage la chaleur du chien, c'est bien utile. En prenant une vie, ce sont les risques du métier, on le sait, mais on aiguise, on façonne, on donne des tranchants à la lame et on sourit. C'est mon pays, c'est mon pays. Oh, oh. Demain, J'ai fait une bêtise. Ah, mais d'accord.